السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. وبعد، ما زلنا في دراسة غزوة عظيمة وهي غزوة أحد، ولقد انتهينا إليه الكلام في الجمعة الماضية إلى مقتل مصعب بن عمير. مما أذكر la semaine passée, nous sommes entrés dans l'étude d'une grande bataille parmi les batailles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la bataille de Uhud. En quelle année a eu la bataille de Uhud? En quelle année a eu lieu la bataille de Uhud? Indaman. Bissanati thalitha min al-hijra. En l'an 3 de l'Hijra. Fi ayy shahr. En quel mois? Na'am. Fi shahri shawwal. Fi muntasafi shahri shawwal. Au milieu du mois de Shawwal. Donc, pratiquement un an après la bataille de Badr, un peu plus d'un an après la bataille de Badr. Et la cause de cette bataille est que Quraysh et leurs alliés se sont réunis pour venir attaquer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Car lorsqu'ils sont partis à la bataille de Badr, ils avaient pensé que ça n'allait être qu'une formalité et qu'ils allaient rester à Badr 3 jours, sacrifier les chameaux, écouter les chanteuses et rentrer ensuite à Mecca. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a décrété bien tout autrement. Et ils ont été mis en déroute et sont revenus à Mecca humiliés et rabaissés. Bihamdillahi tabaraka wa ta'ala. Donc ils ont voulu redorer leur blason et infliger une défaite aux croyants et se débarrasser de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abu Sufyan, qui alors était leur chef du fait que leur grand avait été tombé lors de la bataille de Badr, a donc levé cette armée et il a mis Mada, un commandant à droite et à gauche de cette grande armée de 3000 hommes, Mada, Khalid ibn Walid et Ikrimah ibn Abi Jahl. Khalid ibn Walid et Ikrimah ibn Abi Jahl radiallahu anhuma, que tous deux ont été guidés par la suite à l'islam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Quant aux croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a consultés à Medina et là, sur le fait de rester à Medina et les attendre pour combattre à l'intérieur, à domicile, ou bien sortir à leur rencontre. Et beaucoup ont opté pour la deuxième éventualité, c'est-à-dire sortir à leur rencontre, car beaucoup n'avaient pas participé à la bataille de Badr, qui n'avait pas été organisée pour cela. Ils ont donc voulu prendre une place chez Allah tabaraka wa ta'ala à l'occasion de cette bataille. Ils sont donc sortis à la rencontre de l'ennemi à Médine, si ce n'est qu'en chemin, une partie qui volte-face, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites, s'est arrêté en chemin et a poussé les gens à revenir à Médine. Wa khazala al-muslimin. Na'am, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a trahi les croyants et a fait demi-tour avec les gens qui le suivaient, et il fut dit qu'ils étaient 300 hommes, c'est-à-dire près d'un tiers de l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Maza, les croyants les ont conseillés, et il y a même deux tribus parmi les croyants qui ont failli retourner avec eux, mais Allah subhanahu wa ta'ala les a affermis. Ensuite, ils sont arrivés à Uhud, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a placé donc ses compagnons d'une manière très stratégique. Ils se sont mis dos à la montagne. Ils se sont mis dos à la montagne et face au chemin donc laissé à l'ennemi. Il resta un passage sur leur côté. Il ordonna à Abdullah ibn Jubayr et un groupe de 50 archers de prendre place sur un petit mont. De prendre place sur un petit mont pour ne pas laisser cette brèche à l'ennemi. Ainsi, ils avaient quadrillé le terrain et avaient pris parfaitement l'ensemble des causes. Et les savants tirent de cela al-akhd bil asbab, le caractère légiféré de faire les causes. Wa anna hadha la yunafi at-tawakkul. Na'am, fa hadha sayyid al-mutawakkilin ala Allah rabbil alamin ittakhadha al-asbab al-ma'dhuna wa shar'iyya. Voici ici celui qui compte le mieux sur Allah Azza wa Jal et a la plus grande confiance en Allah Azza wa Jal, qui utilise les causes, qui fait les causes et qui utilise une stratégie et un plan militaire. Donc les savants tiraient de cela que de faire les causes n'entache aucunement le fait d'avoir confiance en Allah Azza wa Jal et de compter pleinement sur lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis une armure, il a mis un casque, Na'am al-Dir et al-Mirfar. Tout cela fait partie des causes. Et il a ordonné à Abdullah ibn Jubayr, Na'am, et une cinquantaine, ou bien ils étaient 50 en tout, de rester à leur place et de ne pas bouger. Qu'ils gagnent la bataille ou qu'ils la perdent, de ne pas bouger. Jusqu'à ce qu'il leur envoie une personne pour leur accorder cette permission. Donc tout cela entre eux dans les causes et montre le caractère authentique de la parole de Ahl Sunnah wal Jama'ah quand dans la mas'ala de Tikhad al-Asbab. Est-ce que de délaisser les causes concrétise le tawakkul? Est-ce que le fait de faire les causes diminue le tawakkul? Ou est-ce que le fait de faire les causes légiférer et permis fait partie du tawakkul? Na'am, ici on voit que la vie authentique est que le fait de faire les causes n'entache aucunement le tawakkul, bien au contraire, cela en fait partie. Cela en fait partie. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné al-liwa. Al-liwa alam al-jaysh. Al-liwa, c'est le drapeau sur lequel est inscrit le signe distinctif de telle armée. À qui est-ce qu'on a donné al-liwa? À Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr était celui qui détendait l'étendard ce jour-là. Donc ils se sont préparés le vendredi soir et sont sortis le samedi. Donc cette bataille a eu lieu le samedi. Et il y a eu deux parties dans cette bataille. Il y a eu deux parties dans cette bataille, comme on le résume ici. Puis, il y a eu le rang des croyants et le rang des associateurs. Et un homme qui se nomme Abu Amir ibn Sayfi, Naam, Abu Amir Abdu Amr ibn Sayfi. Cet homme-là était Sayyid al-Aws, c'était un chef chez l'Ansar. Chez l'Ansar, comme vous le savez, il y a l'Aws et la Khazraj. Lui, c'est un des chefs de l'Aws. Mais après l'avènement de l'islam, il a mécru à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et il lui a déclaré une inimitié ouverte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait dua contre lui, il s'est sauvé à Mecca. Et a monté Quraysh contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et poussé Quraysh à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'il y a eu la bataille de Uhud, lui il était avec Quraysh et a dit à Quraysh, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on sera face à face, je vais appeler l'Aws et ils vont nous rejoindre. Ils vont trahir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah tabaraka wa ta'ala n'a choisi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que les meilleurs. Que les meilleurs, les gens fermes, les gens sincères et véridiques avec Allah azza wa jalla. Min al-mu'minina rijal sadaqu ma'ahadallahu alayhi. Donc lorsqu'ils se sont rencontrés, il leur a dit rejoignez-moi. Naam, il leur a dit rejoignez-moi, mais ils lui ont dit ce qu'ils méritaient, mais ils lui ont répondu selon ce qu'ils méritaient. Par la suite, le combat a commencé. Par la suite, le combat a commencé. Celui qui portait l'étendard chez les associateurs se nomme Talha ibn Uthman. Talha ibn Uthman, celui qui détendait ou qui tenait l'étendard des associateurs. Et ce dernier, plein d'orgueil et de vanité, s'est avancé à défier les croyants, si ce n'est qu'il est tombé face à Ali ibn Abi Talib, qui d'un coup l'a mis au sol et lui a enlevé sa jambe. D'un coup, il l'a mis au sol et lui a enlevé la jambe. Et lui qui parlait avec plein d'orgueil et de vanité, s'est mis à supplier Ali ibn Abi Talib au nom de leur lien de parenté, du fait qu'ils sont de Quraysh, du fait qu'ils sont de proches parents, afin qu'il les parle. Et Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, malgré cela, l'a épargné. Et parmi les choses très étonnantes, cet homme qui faisait partie de Sayyid al-Aws, ou bien qui était auparavant Sayyid al-Aws, qui se nomme Abu Amr, c'était un de ceux qui détestaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous qui est son fils? Rappelez-moi cela donc à la fin de l'heure. Non? Amr, ou plutôt Abu Amr, non? Un de ceux qui détestaient le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah Azza wa Jal yukhrijou l'hayya min al-mayyit. Il fait sortir le vivant du mort, subhanallah. Donc on verra par la suite qui était son fils. Ou bien, son fils se nomme Hanzala. Avez-vous entendu parler de ce sahabi? Hanzala est surnommé, comment est-ce qu'on le surnomme? Rasilul Malaika. Celui qui s'est fait laver par les anges. Pourquoi cela? Hanzala a participé à la bataille de Uhud. Son père était en face, le pire ennemi du prophète alayhi wa sallam, et lui de l'autre côté avec les croyants, l'allié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il a combattu dans cette bataille jusqu'à décéder. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ra'aytul mala'ikata tarasir. J'ai vu les anges le laver. Non. Lorsqu'ils sont revenus à Medina, ils ont dit demander à sa famille: est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier avant son départ? Ils ont dit oui. Lorsqu'il est sorti, il est sorti en état de janaba. Il avait commercé avec son épouse, et lorsqu'il a entendu que ça appelait pour la bataille de Uhud, il s'est levé, il s'habille, il est sorti directement. Allah Akbar. Il s'est levé, il s'est habillé, il est sorti directement. Les gens se sont préparés vendredi soir. Les sur'at istijabati lam yaghtasil. Tellement qu'il a répondu à l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapidement, il ne s'est même pas lavé. Il est sorti directement, il s'est préparé et il est parti à Uhud. Donc il est sorti en état de janaba. C'est pour cela que lorsqu'il est décédé, les anges l'ont lavé. Non, les anges l'ont lavé, radiallahu anhu, et il a été surnommé Rasilul Malaika. Celui qui s'est fait laver, celui qui a été lavé par les anges. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti une épée que Abu Dujana a pris. Il se nomme Simak ibn Kharash. Son parmi les grands de cette bataille, Abu Dujana, comme on le verra dans la deuxième partie de la bataille de Uhud. Wa kana shi'aruhum yawma'id amit amit. Et leur signe distinctif par lequel ils allaient se reconnaître mutuellement la parole, c'était Amit Amit, un signe. Comme ça, s'il y a l'ennemi parmi nous, en posant cette question, quel est notre signe, Naam, ils allaient pouvoir démasquer l'espion ou l'intrus. La première partie de la bataille a été remportée par les croyants. Au point où les associateurs se sont sauvés jusqu'à atteindre la position de leurs femmes. Ils avaient ramené avec eux un groupe de femmes pour ne pas fuir comme à la bataille de Badr. Ils se sont sauvés jusqu'à cet endroit-là, comme on le trouve dans plusieurs hadiths. Na'am, le hadith al-Bara, le hadith Aisha et d'autres parmi les sahaba, radiallahu anhum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait donc donné les instructions. Il avait ordonné à Abdullah ibn Jubayr et au groupe d'archers de ne bouger de leur position sous aucun prétexte. Si ce n'est que lorsque les croyants prirent le dessus et lorsque les instigateurs se sont sauvés, certains parmi les archers se sont dit « La bataille est remportée. » Na'am, la raj'ata lahu. Ils ne peuvent pas revenir, ils se sont vraiment sauvés, donc il ne reste qu'une chose. Quelle est-elle ? Al-Ghanima. Donc ils ont dit « Al-Ghanima, Al-Ghanima. » Allons réunir le butin. Et certains ont commencé à quitter leur position suite à cet effort de réflexion. Non pas qu'ils ont voulu sciemment désobéir au prophète, alayhi salatu wassalam, mais pour eux, la bataille était finie. Alors, Abdullah ibn Jubayr, radiallahu anhu, leur a rappelé l'ordre du prophète, alayhi salatu wassalam, mais ils ne l'ont pas écouté. C'est alors que Khalid ibn Walid a vu cette erreur stratégique et il a fait le tour, accompagné d'un groupe d'hommes, et ils sont rentrés par cette brèche et ils ont commencé à tuer les croyants. Ils ont commencé à tuer les croyants. L'image de cela est le groupe des croyants au milieu, leurs ennemis en face. Mais avec cela, ils se sont retrouvés encerclés. D'un côté, il y a la montagne, donc ils ne peuvent pas partir ainsi. De ce côté, il y a Khalid ibn Walid radiallahu anhu et ceux qui sont venus avec lui. Et en face, il y a les autres associateurs. Donc ils se sont retrouvés cernés. En face et de derrière. Et sur le côté, il y avait la montagne. Sur le côté, il y avait la montagne. Alors il y a eu un soulèvement de poussière avec le chevaux, avec le monde, avec la bataille. Et les choses ont commencé à être ambiguës. Et Ali, c'était pas clair qui était croyant, qui ne l'était pas. À un point tel que des croyants se sont entretués parmi ceux qui ont reçu des coups et sont décédés par la main des croyants. Il y a le père de Hudhayfa, qui se nomme Al-Yaman, il est tombé des mains des croyants dans cette confusion. Et Hudhayfa leur disait, Abi, c'est mon père, mais devant le grand trouble, ils ont tué Al-Yaman Khata'an. Et il y a aussi eu, parmi ce qui a ajouté trouble à ces troubles-là, Sarkh al-Shaytan. Al-Shaytan a crié, des A'la Sauti. Na'am, Al-Shaytan a appelé les associateurs qui étaient en face afin d'attirer leur attention sur ceux qui étaient derrière les croyants. Na'am. Donc il les a informés que derrière les croyants, il y avait leurs alliés. Donc les associateurs sont revenus au combat. Il fut dit qu'une femme qui se nomme Umara, Amra bint Alqama, s'est saisie de l'étendard qui était au sol, elle l'a levé. Donc les associateurs se sont réunis auprès d'elle, autour d'elle, et ont repris le combat. Donc Khalid ibn Walid derrière les croyants, et cette femme en face avec autour d'elle les associateurs, et ils ont commencé à repousser les croyants et ils ont commencé à faire tomber beaucoup de croyants. À ce moment-là, certains parmi les croyants ont commencé à prendre la fuite. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, inna alladhina tawallaw minkum yawma altaqa al-jam'an innama istazallahum ash-shaytan bi ba'd ma kasabu wa laqad 'afa Allahu 'anhum inna Allaha ghafurun halim. Allah azza wa jalla nous cite cette réalité dans le Coran, mais il nous cite également la gravité de ce moment et le pardon qu'il a accordé à ses croyants. Donc il n'y a aucune porte pour ceux qui se permettent d'insulter les meilleurs de la communauté. Il n'y a aucune porte ouverte pour Al-Rafida qabbahahum Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a aucune porte ouverte pour Al-Shi'a Al-Rafid pour parler sur Al-Sahaba en disant qu'ils ont fait, ou ils ont fait, ou ils ont fait. Allah Azza wa Jalla dit au Coran, wa laqad 'afa Allah 'anhu. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit au Coran, qu'il leur a accordé son pardon. Comment est-ce qu'après le pardon d'Allah Azza wa Jal, tu pourrais venir parler sur l'élite de la communauté alors qu'Allah Azza wa Jal les a qualifiés dans le Coran comme étant des hommes? Allah les a qualifiés comme, dans le Coran comme étant des gens véridiques, min al-mu'mina, rijal. Non, Allah dans le Coran nous a informé qu'il leur a accordé sa satisfaction. Donc il n'est pas permis de citer en mal ne serait-ce qu'un parmi sahaba. Non, ne serait-ce qu'un parmi sahaba. وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فَهُوَ عَلَى غَيْرِ سَبِيلٍ. Ceci n'est pas la voie de Ahl Sunnah. Et celui qui dit que la plupart d'entre eux sont sortis de l'islam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَقَدْ ارْتَدَّ عَنِ الدِّينِ عِيَاذًا بِاللَّهِ. Et celui qui dit que la plupart d'entre eux sont sortis de l'islam après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, hadha kalamul munafiqin. Ça c'est la parole d'un munafiq i'tiqadi. Naam, ça c'est du kufr akbar wal iyad billah. Et celui qui parle sur les épaules du prophète alayhi salatu wassalam, pareillement. Quant à celui qui les dénigre dans une caractéristique, dans une sifah khilqiyya ou khuluqiyya, naam, quant à celui qui parle en mal sur un aspect physique ou un aspect comportemental, naam, hada fasiq. Ça c'est quelqu'un qui a fait un péché qui est très grave. Ça c'est quelqu'un qui a fait un péché qui est très grave, même si on ne dit pas que par cela il sort de l'islam. Mais ce sujet-là, il est très particulier. Sahaba, on ne les cite qu'en bien, et on les aime tous, et on ne fait que leurs éloges, et on préserve nos cœurs de toute mauvaise opinion d'eux, tout comme nous préservons notre langue de toute mauvaise parole les concernant. هذا اعتقاد الفرقة النادية أهل السنة والجماعة. Ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Parmi ceux qui ont brillé ce jour-là, il y a Anas ibn Nadr. Alors que la situation était comme vous l'avez compris, la confusion, le décès de croyants, la fuite de d'autres, Anas ibn Nadr est revenu vers Quraysh. Et il a vu que les gens avaient baissé les bras. Et il leur a dit, ma la tafa'alou. Il leur a dit, que faites-vous? Et ils ont répondu, il a été dit que Mohammed est mort, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est mort. Parce que Shaitan, sarah hasar khatayn. Parce que Shaitan a crié à deux reprises. La première, c'est quand il a appelé les associateurs qui étaient en face pour attirer leur attention sur ceux qui étaient derrière. La deuxième, inna Muhammadan qad qutil. La deuxième, Muhammad a été tué. Pourquoi? Pour semer le désordre chez les croyants, pour affaiblir leur cœur et pour semer la peur dans cela. Donc certains avaient été touchés, bouleversés au point de ne plus combattre. Anas ibn Nadr leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été tué. Il leur a dit, s'il a été tué, qu'est-ce que vous allez faire après? Subhanallah. N'allez-vous pas prendre le même chemin que lui? Puis, il a foncé vers l'ennemi. Et il a vu Sa'd ibn Mu'adh. Et il a dit à Sa'd ibn Mu'adh, inni la ajidu riha al-jannah duna uhud. Subhanallah. Il leur a dit, je sens l'odeur du paradis en direction de Uhud. Puis, Amada, il est parti vers l'ennemi. Qatalahum hatta qutil. Puis il les a combattus jusqu'à être tombés morts. Et il avait sur lui environ 80 plaies. Il avait environ 80 blessures entre flèches reçues, entre coups d'épée et autres. Et personne n'a pu le reconnaître. Personne n'a pu le reconnaître si ce n'est sa sœur. Personne n'a pu le reconnaître, si ce n'est sa sœur, avec un signe distinctif du bout des doigts. C'est-à-dire que tout son corps était marqué. Et personne n'a pu le reconnaître, si ce n'est avec un signe distinctif du bout des doigts, sa sœur. Radiallahu anhum. Et Mada, par la suite, ou juste avant cela, le prophète alayhi salatu wassalam avait demandé aux sahaba de s'enquérir de son sujet, et ils l'ont trouvé dans ses derniers souffles, et il sentait l'odeur du paradis. Il a répondu au salam du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait des recommandations Ansar de rester ferme et de ne jamais permettre à qui que ce soit de toucher et d'atteindre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Al-Zubayr ibn Awwam radiallahu anhu est un des meilleurs parmi les sahaba radiallahu anhu. Lui était un des responsables des généraux sur un côté de l'armée des croyants. Celui qui avait le liwa était Mus'ab ibn Umayr. Et il y avait un troisième de l'autre côté. Ce dernier également a été un des plus courageux durant cette bataille. Suite à cette grande confusion et au décès de bon nombre de sahaba et à la fuite de beaucoup parmi les sahaba radiallahu anhu, les associateurs, et ça c'est la deuxième partie de notre cours, les associateurs ont réussi à s'approcher du prophète alayhi wa sallam et le trouver. Ils ont réussi à s'approcher du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le trouver. Ils se sont approchés de lui et ils ont tout fait pour l'assassiner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus. Et il y avait autour de lui que 10 personnes. Lorsqu'ils l'ont combattu, il ne restait autour de lui que 10 personnes. 7 parmi l'Aous et 3 autres personnes. Parmi ceux qui étaient le plus déterminés à l'assassiner, un homme qui se prénomme Amr ibn Qami'a. Amr ibn Qami'a, ou bien Qami'a. Cet homme-là était le plus déterminé quant à l'assassinat du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa Layfi. Amr ibn Qami'a al-Layfi. Alors il a porté des coups au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui et ceux qui l'accompagnaient, au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé à la tête, sur son casque, au visage, et on lui a cassé des dents sallallahu alayhi wa sallam, et son noble sang se mit à couler de son visage jusqu'à, yani ils l'ont combattu jusqu'à le faire tomber sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam un des plus courageux parmi les sahaba et un des plus grands prêcheurs qui a marché de Mecca à Medina, Al-Da'i Al-Kabir, Al-Thabit Al-Muallim Al-Khatib radiallahu anhu. Man yakun Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, هذا اسم لا ينسى لا ينساه التاريخ. Mus'ab ibn Umayr, une personne de science, un prédicateur qui porte ce nom avec son haq, un muhajir qui porte son nom avec son haq. C'est le premier qui a fait le hijra de Mecca al-Madinah. Et il a enseigné aux Ansar, et il leur a enseigné le Coran, et il leur a enseigné le Dîn. Et c'est le premier qui a fait le khutbah al-Medina, Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr faisait partie de ceux qui vivaient le mieux à Mecca. Ses parents étaient riches. Et il fut dit qu'on le reconnaissait avec son odeur, tellement que ça sentait bon chez lui, et le parfum qu'il y avait, et les richesses qu'ils avaient. Et c'est celui qui s'habillait le mieux. Mais lorsqu'il a choisi l'islam, ils l'ont banni. Alors il n'avait plus de richesse et on ne reconnaissait que son odeur. Il est devenu pauvre et il a fait l'hijra à Medina et il a propagé le tawhid et le din aux gens de Medina. Et c'est le premier qui a fait le khutbah. Mus'ab ibn Umayr, dans ce moment très difficile, était aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit, bouge pas au message d'Allah, et il s'est mis devant lui. Et il s'est sacrifié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a combattu les associateurs. Et Ibn Qami'ah ne cessait d'essayer d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son but, c'était de le tuer. Mais Mus'ab ibn Umayr s'est interposé. Et c'est lui qui recevait les coups. C'est lui qui recevait les coups jusqu'à ce que Ibn Qami'ah a tué Mus'ab ibn Umayr radiallahu anhu devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fastushhida radiallahu anhu. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné al-liwa à Ali ibn Abi Talib. Après le décès de Mus'ab ibn Umayr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'étendard à Ali ibn Abi Talib. Mus'ab ibn Umayr, lorsqu'il est tombé, Ibn Qami'ah a pensé qu'il avait tué le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est lui qui le visait. Alors il est parti en criant qu'il a tué Mohammed. Et là, ça a mis une grande tristesse dans le cœur de certains croyants. Et ça a déstabilisé beaucoup de croyants et beaucoup ont pris la fuite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas mort. Donc ils ont replié position et avec le petit groupe de croyants qui se trouvait auprès de lui. Son visage, yani son sang coulait sur son visage et il s'est essuyé le visage sallallahu alayhi wa sallam en disant comme c'est venu dans le hadith, كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّ نَبِيَّهُ. Comment est-ce qu'un peuple pourrait réussir après avoir blessé son prophète? هَذَا اسْتِبْعَاد. C'est, yani, comment est-ce qu'il pourrait, c'est-à-dire loin d'eux et la réussite? Celui qui leur a été envoyé en tant que miséricorde pour les mondes, celui qui est venu pour les faire sortir des ténèbres vers la lumière, celui qui sacrifie son temps et sa vie pour les faire entrer eux au paradis, voici la rétribution que vous lui accordez. Comment est-ce que vous pouvez y réussir? Mais subhanallah, subhanallah, allamul ghuyub. Suite à cela, Allah Azza wa Jalla a révélé un verset qui est une leçon de tawhid. Qui est une leçon de tawhid. Allah lui dit, Laysa laka min al-amri shay. Tu n'as aucune part dans cette chose. C'est-à-dire, tout l'ordre est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa laka min al-amri shay. Ou yatouba alayhi, ou yu'adhibahum, fa innahum zalimun. Allah Azza wa Jalla a révélé, tu n'as aucune part dans cet ordre. Soit Allah les châtie, soit il leur pardonne. Ils sont certes injustes. Ou plutôt, soit il leur accorde le pardon, yani le repentir, soit il les châtie, ils sont certes injustes. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous éduque. Et nous montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, wa rasul wa la yamliku shay'an min khasa'is ar-rububiyyah. Allah nous éduque sur le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un serviteur et un messager et ne possède aucunement une part dans l'rububiyyah, dans la gérance des choses. L'ordre tout entier dans la main d'Allah. Allah fait ce qu'il veut, il décide ce qu'il veut et personne ne connaît la finalité des choses si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et même les pires des ennemis qui sont sur place, il se peut qu'Allah Azza wa Jalla guide certains au repentir. Et c'est ce qu'il fit, de par sa sagesse, sa science, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète alayhi salatu wa salam a également dit, comme c'est venu dans un autre hadith, Allahumma ghfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Ou Allah pardonne à mon peuple, car ils ne savent pas. Il a uni, comme on dit les savants, entre deux choses. Entre le fait de chercher des excuses à l'injuste, et le fait d'invoquer Allah en sa faveur. Chercher des excuses à l'injuste et invoquer Allah en sa faveur. Alors que lorsque deux personnes parmi les musulmans se disputent, tu entends l'un d'entre eux dire « Je ne te pardonne pas » ou bien « Tu verras yom al-qiyama » ou bien « Kada wa kada » Subhanallah. Subhanallah. Un jour où les bébés auront les cheveux blancs. Un jour où tu verras la personne ivre bien qu'elle ne le sera pas. Un jour où toute personne qui porte une chose dans son ventre mettra bas, ou toute mâle femelle mettra bas, et ainsi de suite. Ici, le prophète alayhi salatu wassalam nous montre l'excellence dans son comportement, dans le comportement sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi ceux à qui Allah azza wa jalla a accordé ce repentir, il y a eu Abu Sufyan, le chef de l'armée. Le chef de l'armée. Parmi eux, il y a eu Khalid ibn Walid, le plus grand des généraux. Naam. Et d'autres encore. Qatilu Hamza. Wahsh. Et d'autres encore. Donc Allah Azza wa Jal décide et fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc tu dois savoir qu'il y a tawfiq biyadillah, wal hidayatu biyadillah. La guider et la réussite, c'est que dans la main d'Allah, dans la main d'aucune de ses créatures. S'il décide de guider un tel, personne ne peut l'égarer. S'il égare un tel, personne ne peut le guider. À partir de là, ton cœur doit converger que vers Allah. Quand tu as besoin, tu le demandes à Allah. Quand tu crains quelque chose, cherche le secours auprès d'Allah, la protection auprès d'Allah. Quand tu espères une chose, tu la cherches auprès d'Allah Azza wa Jalla, pas auprès d'une créature. Quel que soit le rang de cette créature, quelle que soit la noblesse et la piété de cette créature, toi, ton cœur, tu le rattaches que à Allah subhanahu wa ta'ala. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est retrouvé avec Talha ibn Ubaidillah. Avec Talha ibn Ubaidillah. Qui est Talha ibn Ubaidillah? Il fait partie de, des 10 promus au paradis. Il fait partie des 10 promus au paradis. Suite au coup qu'avait reçu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ils avaient replié leur position et s'étaient mis un peu plus en sécurité. On a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait les extrémités de son casque qui lui étaient rentrées dans la joue et que des dents lui avaient été cassées et que son sang coulait. Donc ça, c'était son état sallallahu alayhi wa sallam suite au coup qu'il avait reçu des coups d'épée au visage. Na'am, des coups d'épée au visage sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cela, il y a une grande faïda pour Ahlul Tawhid. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bachar, c'est un humain. Il saigne comme l'humain saigne. Et il a mal et il souffre comme l'humain a mal et souffre. Donc il ne mérite pas l'adoration. Seul Allah Azza wa Jalla mérite d'être adoré. Il ne mérite pas de dua. Ni le khawf, ni le raja, ni le tawakkul, ni le dhabh, ni le nadr. Ni aucune forme d'adoration. Parce qu'il est humain et il est mortel. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les extrémités de son mirfar, de son casque, lui étaient rentrées dans les joues des suites des coups portés par l'ennemi. Et de ses dents étaient tombées. C'est alors que Abu Ubaïda, qui se trouvait également avec lui, Naam, Abu Ubaïda ibn Jarrah, c'est un des meilleurs parmi les sahab. Et un de ceux que le prophète sallam aimait le plus. Et il fait partie des 10 promus au paradis également. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il a attrapé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses propres dents, il lui a redressé son mirfar. Toi, tu aurais besoin d'une pince et ça serait difficile. Lui, il n'a pas hésité à utiliser sa mâchoire et utiliser ses dents pour lui sortir l'extrémité du casque qui lui était rentré dans la joue. Que s'est-il passé lorsqu'il a essayé de faire cela? Il lui a enlevé le premier bout de fer, il s'est cassé la main. Puis il lui a enlevé le deuxième bout de fer, il s'est cassé le deuxième dent. Radiallahu anhu. Radiallahu anhu. C'est ainsi qu'ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'ils ont aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont porté sa religion. Ils ont défendu sa religion. Ils ont porté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont défendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas avec des prétentions. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, t'es pas au salawat. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, tu peux pas t'asseoir une heure pour apprendre le tawhid wa sunnah. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, t'arrives pas à arriver à l'heure deux jours de suite à un cours d'arabe pour comprendre les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne veux pas mémoriser 10 ahadith al-arba'in nawawiyya. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu ne veux pas étudier sa langue. J'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, lorsqu'il y a une divergence entre Ahlul Sunnah et Ahlul Bidah, t'es dans le camp de Ahlul Bidah. Non. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam a des signes. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Dis, si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Si t'aimes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu apprends qui il était. Tu apprends ce à quoi il a invité. Tu marches sur ses pas. Tu aimes sa sunnah, tu aimes sa famille, ses proches. Tu suis sa voix, t'adores Allah Azza wa Jalla comme il l'a fait. Naam, tu te soumets à ses ordres. Tu t'éloignes de ses interdits. Tu crois en ses dires. Tu propages son digne. Et tu fais devancer ses ordres sur tes passions. et tu aimes ceux qui suivent sa sunna, même s'ils sont loin de toi, ils n'ont pas la même langue que toi. Et tu détestes ceux qui ont innové dans sa religion, même s'ils sont, ils font partie des tiens, et ils ont la même langue que toi. Tu fais le wala al-bara sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu l'aimes réellement. Si tu l'aimes réellement. Et ils ont accusé Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala de ne pas aimer la famille du prophète alayhi salatu wa sallam. Il leur a dit, comment s'appellent vos enfants? Et chacun a dit, mon fils s'appelle comme ça, comme ça. Il a dit, moi, tous mes enfants, ils font partie d'Ahlul Bayt. Tous les noms que j'ai donnés à mes enfants font partie des enfants d'Ahlul Bayt. Na'am. Et un des mashaïrs était un jour en voiture avec Cheikh Rabi' ibn Hadi, hafidahullah ta'ala wa shafah. Et il lui a dit, ya Cheikh, parce qu'il avait entendu des rumeurs, et c'est toujours le cas chez Ahlul Sunnah. Et chez les ulama d'Ahlul Sunnah, particulièrement les savants du hadith. Na'am, qui dévoile la awra d'Ahlul Bida, on ment sur eux, on les dénigre, on les salit pour qu'on s'éloigne de leur voie. Mais Allah Azza wa Jalla les préserve et élève leur renommée comme il a fait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme-là qui à l'époque était un élève lui a dit, ya Cheikh, il est en voiture avec Cheikh Rabi'a. Cheikh Rabi'a conduit. Et il dit, ya Cheikh, est-ce que tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cheikh a failli faire un accident tellement la question était grave. Il a failli faire un accident tellement que la question était grave. Il m'a dit, comment tu me demandes ça? Il a dit, parce qu'on entendait nous avant sur vous que vous aimez pas la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, comment s'appellent tes enfants? Il lui a dit, comme ça, comme ça. Il lui a dit, j'ai des épouses. Mon premier fils s'appelle Mohammed et mon premier fils de l'autre épouse s'appelle Mohammed aussi. Hein? Ça, c'est des signes de l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même leurs enfants, ils les ont appelés par son prénom ou par les prénoms de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet amour, ce ne doit pas être des prétentions, ça doit se voir sur toi, dans ton apparence, dans ton comportement, dans ta façon de parler, dans ton amour pour l'ilm, dans ton amour du hadith, dans ton amour de la sunna, des gens de la sunna, du ulama de la sunna, dans ton amour des assises de science, dans ton comportement. Tu dois suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout. Ça, c'est l'amour du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Ubayd ibn Jarrah, regardez comment il a aimé le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Au point de se casser les dents pour lui. Non, on ne te demande pas de te casser les dents. On te demande de craindre Allah Azza wa Jalla et de suivre sa sunna. Wallahu musta'an. Par la suite, il a donc eu des dents cassées. Et on appelle celui qui a à la base ce défaut Al-Ahtam. Na'am. Mais subhanallah Al-Azim. Ils ont dit que cela ne faisait que l'embellir. Il avait des dents cassées des suites de cela. Mais ils ont dit, wa kana hada yuzayyinuhu. Mais cela sur lui, c'était une beauté. Na'am, c'était une beauté. Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidahullah ta'ala, explique cela. Comment ça, une beauté? Il avait des dents cassées, c'était une beauté. Il dit, na'am, pourquoi? Parce que tous ceux qui voyaient ses dents, il y avait l'histoire ensuite, cette histoire. Na'am, tous ceux qui voyaient ses dents, par la suite, avaient connaissance de cette histoire-là. Alors sa langue, ça ne faisait que l'embellir. Ça, c'est des dents qui ont été fils à Bilillah. Ce sont des dents qui ont été fils Nusrati Rasulillah. Ce qui sont tombés, Nusratan li Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, le sang du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à couler. Il s'est mis à couler. Alors, Malik ibn Sinan, qui est Malik ibn Sinan radiallahu anhu? Hein? Malik ibn Sinan, c'est le père d'un sahabi connu, un rapporteur de hadith. C'est le père d'Abu Sa'id al-Khudri. Hein? Malik ibn Sinan, c'est un sahabi. Et son fils aussi est un sahabi très connu, Abu Sa'id al-Khudri. Malik ibn Sinan est venu. Il a aspiré la plaie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et afin de stopper son hémorragie et de soigner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une seconde fois, les associateurs ont réussi à atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne resta avec lui, autour de lui, que 10 hommes. Parmi eux, Talha ibn Ubaydillah. Parmi eux, 7 personnes, parmi Al-Aws. Parmi Al-Aws. Alors, ils se sont avancés vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur seul but était son assassinat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ceux qui étaient autour de lui, من يردهم عنا وهو معي في الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, qui est-ce qui les repousse de nous? Il sera avec moi au paradis. Alors Talha ibn Ubaydillah a dit immédiatement, ana ya Rasul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, non, anta tabqa ma'i. Il lui a dit, non, toi ta place est auprès de moi. Alors le premier des 7 parmi l'Aws est sorti vers eux et les a combattus jusqu'à tomber mort. Ensuite, le prophète sallam a redit cela. Le deuxième, Talha ibn Ubaydillah dit, Ana ya Rasulallah, moi au message d'Allah. Mohsen lui a dit, non, toi tu restes à mes côtés. Alors le deuxième parmi les Ansar est sorti, il les a combattus jusqu'à ce qu'il est tombé. Alors le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, jusqu'au septième. Jusqu'au septième. Puis, Talha ibn Ubaydillah a demandé la permission au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est alors qu'il s'est avancé et a combattu les associateurs et à lui seul il les a repoussés. Et à lui seul il les a repoussés radiallahu anhu. Bitawfiqin min Allah wa mad wa quwwah min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala lui a donné force et réussite. Et il a tellement frappé l'ennemi de sa main et a tellement reçu de coups que des suites de cela, sa main a été paralysée. Des suites de cela, shullat yadu Abi Talha radiallahu an. Puis, donc tout cela pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ikhwan al-kiram, إذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد ضحوا بالنفس والنفس لنصرة دم وحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نقوم نحن بطلب العلم لننصر سنته ودينه؟ إخواني الكرام، si les compagnons رضي الله عنهم ont sacrifié leur richesse et leur vie pour sauver la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que son sang ne coule pas, est-ce que nous, nous allons pas sacrifier un peu de notre temps pour apprendre la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour secourir sa sunna, pour secourir sa sunna et pour réfuter toute personne qui entachera la pureté de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Wallahu musta'an. Parmi ceux qui étaient proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce moment, il y a eu Abu Dujan. Vous vous souvenez qui est Abu Dujan? Celui qui avait pris l'épée. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qui va prendre cette épée, tout le monde a tendu sa main, puis il a dit mania akhudhu bi haqqihi. Tout le monde a retenu sa main sauf Abu Dujan. Abu Dujan est encore une fois présent. Abu Dujan, qu'a-t-il fait à ce moment-là? Un acte de bravoure après lequel il n'y a plus d'acte de bravoure. Il s'est mis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a utilisé son dos comme bouclier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'ennemi lança les flèches et l'ennemi tentait d'assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous a été rapporté qu'il ne bougeait même pas son dos. Il recevait des flèches et il ne bougeait même pas son dos. Radiallahu anhu. Parmi ceux qui étaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sa'd ibn Abi Waqas. Sa'd ibn Abi Waqas est parmi des meilleurs parmi les sahab. Sa'd ibn Abi Waqas était très habile au tir à l'arc. Alors il s'est mis à prendre son arc et à viser l'ennemi de ses flèches. Et qui est-ce qui lui donnait de sa noble main les flèches? C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donnait les flèches et lui disait « Irmi ». Ya Sa'd, irmi fidaka abi wa ummi. Il lui disait, vise-les, que mon père et ma mère te soient donnés en rançon. Et ici, il y a la grande place et la grande valeur de Sa'd ibn Abi Waqas. Et ce hadith est rapporté par le Bukhari et Muslim. Et parmi ceux qui ont été touchés, il fut dit qu'un homme a été touché parmi Sahaba Qatada ibn Uthman, ibn Nu'man. Qatada ibn Nu'man. Il a été touché à l'œil au point où son œil est sorti de l'orifice. Il a été touché à l'œil durant le combat au point où son œil est sorti de l'orifice. Il est venu tenant son œil sorti auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier l'a pris et lui a remis en invoquant Allah azza wa jalla pour lui. Et par la suite, cet œil qui est sorti est en meilleure santé que l'autre. Il était en meilleure santé que l'autre. Wa fil isnad maqal. Et comme nous l'avons dit, beaucoup avaient fui, et certains étaient revenus, et d'autres n'avaient pas quitté leur position, d'autres avaient arrêté le combat. Parmi ceux qui ont été touchés, Abdurrahman ibn Awf. Et là, on a beaucoup de noms parmi les 10 qui ont été promus au paradis. Abdurrahman ibn Awf fait partie également des 10 qui ont été promus au paradis. Il a été blessé et il avait plus de 20 blessures. Il avait plus de 20 blessures. Parmi ces blessures, il a eu des blessures à la jambe. Donc, il s'est mis à boiter des suites de la bataille de Uhud. Et il n'a cessé de boiter jusqu'au jour où son âme est sortie. Il n'a cessé de boiter jusqu'au jour où son âme est sortie. Parmi ceux qui étaient présents, un homme qui se nomme Amr, et il faisait partie de l'Aus. Il faisait partie de l'Aus. Cet homme-là avait une particularité. Quelle est sa particularité? C'est qu'il est saint, c'est un homme qui est intéressé par l'islam mais n'est pas entré en islam. Lorsqu'il est venu à Medina, il n'a pas trouvé les gens. Il a dit, où sont-ils? On leur a dit à la bataille de Uhud. Il se passe telle chose et telle chose et telle chose. Alors il les a rejoints à Uhud. Il a pris son armure, pris son cheval et il est parti. Quand il est arrivé là où le combat, ils lui ont dit, reste à ta place. Parce que c'est pas un musulman en apparence. Il leur a dit, Amen tu billah. Il leur a dit, j'ai eu foi en Allah. Alors il est rentré dans le combat, il a combattu à leur côté, et il a été blessé. Alors il a été porté, et ramené dans sa famille après le combat. Puis on envoya chez lui questionner sa famille. Pourquoi est-ce qu'il s'est retrouvé là? Est-ce qu'il est venu combattre parce qu'il y a des gens de sa famille, ou pourquoi? Parce que certains venaient combattre, mais, hamiyatan, na'am, yani, ta'assuban, ou autre. Alors il a dit, non, moi je suis venu parce que j'ai eu foi en Allah et en son message. Et peu de temps après, il est décédé. Peu de temps après, il est décédé, et il n'avait jamais prié une seule raka'a. Il n'a jamais prié une seule raka'a. Mais Allah Azza wa Jalla l'a guidé à cela. Parmi ceux qui ont participé à cette bataille, Abu Amr ibn Jamuh. Abu Amr ibn Jamuh, quelle est sa particularité? Il boitait. Il boitait. Et celui qui boite, est-ce qu'il est obligé d'aller dans l'armée? Non, il fait partie de ceux qui, yani ahl al-a'zar, ceux qui sont excusés. Mais lui n'a pas voulu prendre cette excuse. Il n'a pas accepté de rester à Medina parce qu'il était handicapé. Il a insisté et s'est rendu à la bataille. Et il a combattu jusqu'à décéder. Mais cette histoire ne la cite pas pour ça. Il a posé une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Savez-vous quelle est cette question? Il a dit, Ya Rasulallah, in wati'at qadam al-jannah abi arjati hadi. Il a dit, ô messager d'Allah, tu vois mon état, je suis handicapé. Si je rentre au paradis, est-ce que ma jambe boiteuse pourra poser son pied au paradis? Allah Akbar. Yani le paradis, c'est que pour la perfection, c'est pour que pour les gens purs. Mais moi, je suis handicapé. Est-ce que ce pied-là pourra poser son pied au paradis? Rasulullah lui a dit, bien sûr. Et il a combattu jusqu'à décéder dans cette bataille. Radiallahu anhu. Et de là, tu comprends une faïda très très importante. C'est que le vrai handicap, comme a expliqué Cheikh Abdelrazak al-Badr, c'est pas le handicap physique qui t'empêche de faire des choses de dunya. C'est le handicap dans ton din qui t'empêche d'obéir à Allah Azza wa Jalla. Si t'arrives pas à adorer Allah Azza wa Jalla, voici l'handicap. T'arrives pas à te lever pour prier Allah Azza wa Jalla, voici l'handicap. T'arrives pas à mettre un pied devant l'autre pour venir au masjid, voici l'handicap réel. Quant à celui à qui il manque une jambe, quant à celui qui porte des lunettes, quant à celui qui voit mal, quant à celui qui est handicapé de la main, du bras ou autre, ou qui ne voit pas, comme après la semaine dernière il a assisté au cours, il est aveugle et il ne peut pas venir au cours. Mais un frère était de repos, il a pu l'amener au cours. Qu'est-ce qu'il a dit ce frère-là? Il a dit, je demande à Allah Azza wa Jalla de le faire entrer au paradis afin qu'on puisse voir votre visage. Subhanallah. Ça, ce frère-là, il est handicapé, il est aveugle, il vient jusqu'à notre masjid, il est aveugle. Wallahi, nous, on est handicapés de par les péchés qui nous ont souillés. Quant à cette personne-là, qui est aveugle et qui se déplace jusqu'au masjid, yusalli ma'ana, wa yahdhur ad-dars ma'ana, comment est-ce qu'on pourrait dire de lui qu'il est handicapé? Nous, on voit et on nous fait le mus'haf pour lire le Coran. Comment est-ce qu'on pourrait dire de lui qu'il est handicapé? Yasma' al-Qur'an, et nous, avec nos yeux, on ne peut pas lire le mus'haf. Qui est handicapé? Qui est handicapé? L'handicapé, c'est celui dont les passions l'ont empêché d'obéir à Allah Azza wa Jalla. L'handicapé, c'est celui dont les passions l'ont empêché de délaisser la désobéissance. Wallah al-musta'an. Donc son souci n'était pas son apparence physique, mais est-ce que ce pied pourra poser son pied au paradis? Est-ce que ce pied aura l'honneur de poser son pied au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers les croyants. Et on a dit que jusqu'à présent, il n'était qu'avec un petit groupe en aparté. Il avait subi l'attaque à deux reprises des associateurs. Lorsqu'il est revenu vers les croyants, le premier à l'avoir reconnu est Ka'b ibn Malik. Et qui te dira qui est Ka'b ibn Malik? As-Sadiq, radiallahu anhu. Alors il a crié, il s'est réjoui, et c'est le premier à avoir reconnu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a dit, ya ma'ashar al-muslimin, abshiru, hala rasulullah. Oh, vous les croyants, allez chez vous. Voici le message d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un signe, afin yani qu'il se taise et qu'il n'informe pas les limites de sa position. Puis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'enlever son armure et de porter la sienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné son armure à Ka'b ibn Malik et a pris l'armure de Ka'b ibn Malik et l'a portée, afin qu'on ne le reconnaisse pas. Afin qu'on ne le reconnaisse pas. Ka'b ibn Malik nous dit que les associateurs se sont jetés vers lui. Et ils lui ont porté énormément de coups. Il a dit précisément bid'at 'ashr darbatan kullum yahsibunani rasulallah. Tous me pensaient être le messager d'Allah. Ils croyaient tous que j'étais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne connaissait pas la position du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus tard, Ubay ibn Khalaf. Qui est Ubay ibn Khalaf? Un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui est son frère? On en a déjà parlé. Umayya ibn Khalaf. Est-ce que vous vous souvenez de son histoire? Celui qui avait voulu empêcher Sa'd de faire At-Tawaf, s'est disputé avec lui, puis Sa'd lui a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire que tu vas mourir. Alors il a eu la peur parce qu'il était connu sallallahu alayhi wa sallam comme étant véridique dans tout ce qu'il disait. Alors il a dit, wallah, je sortirai plus de Mecca. Mais Abu Jahl l'a forcé à sortir de Mecca. Alors il a acheté un des meilleurs chameaux pour pouvoir prendre la fuite. Mais il s'est retrouvé à Badr et c'est un des premiers qui est décédé. Son frère, c'est cet homme-là, Ubay ibn Khalaf. Et son histoire est semblable à l'histoire de son frère. Naam, deux grands de leur peuple et deux lâches de leur peuple. Naam, et deux personnes qui ont fini sur la shirk. Ubay ibn Khalaf avait dit, je vais tuer le messager d'Allah. Il avait prononcé cette parole. Quand cette parole est parvenue au prophète sallam, il a dit, Bel-Anakati. Le prophète sallam a dit, c'est plutôt moi qui vais lui faire cela. Quand ça lui est parvenu, son cœur s'est rempli de peur. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était connu pour dire que la vérité. Pour dire que la vérité. Alors il n'a cessé de vivre dans la peur depuis ce jour-là. Omeya, ou plutôt Ubay ibn Khalaf, est venu à la bataille de Uhud Et il s'est dirigé vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris le l'arme de la main de l'Harith. Il a pris l'arme ou l'arc de la main de l'Harith. Il a visé de son arc Umayya ibn, plutôt Ubay ibn Khalaf. Et il l'a touché à la clavicule. Il l'a touché à la clavicule. En apparence, c'était une petite blessure. Mais Ubay ibn Khalaf, connaissant la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le simple fait qu'il l'ait touché, ça l'a traumatisé. Et il était apeuré, il voulait rentrer à Mecca le plus vite possible. Ses compagnons lui ont dit, mais c'est rien, t'as qu'une petite blessure. Et il a dit non. Si cette blessure avait été partagée sur l'ensemble, ça aurait tué l'ensemble. Il est revenu à Mecca et plus tard, des suites de cette petite blessure, il est décédé. Des suites de cette blessure, il est décédé. C'est le seul qui nous a été rapporté qui a été décédé des suites d'un coup du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, une question ouverte qu'on adresse. Qui est l'homme sanguinaire? Celui qui, dans la guerre, a tué un homme qui venait pour le tuer, et dont les compagnons décèdent devant lui ensemble, ou bien ceux qui ont décimé des populations entières, et envahi des pays entiers, et ont fait couler le sang de leurs hommes? Qui est le plus à même de recevoir cette appellation? Porter une religion sanguinaire, meurtrière et ce genre d'appellation. Voici le messager d'Allah, le messager de l'islam. Et on nous rapporte de sources authentiques que c'est la personne qu'il a tuée durant le combat et cette personne venait se diriger vers lui pour l'assassiner. Oui, sanguinaire, oui, son sang a été coulé, son sang a été versé. Quant au fait que lui est opprimé, il n'a jamais opprimé un enfant. À défaut d'opprimer une autre personne. Sallallahu alayhi wa sallam. Ali ibn Abi Talib est venu avec de l'eau pour donner à boire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'avait rien trouvé, alors il a mis cela dans un petit récipient. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'avait pas bu parce que l'eau avait changé. Alors il a utilisé cette eau pour nettoyer son sang et nettoyer son visage. Mais le sang coulait et ne s'arrêtait pas. Alors Fatima, j'oublie avant cela, ils ont changé de position et il y avait un rocher à escalader. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était très fort, affaibli de par ses blessures et affaibli de par l'armure qu'il portait, il n'a pas réussi à escalader. Alors Talha radiallahu anhu s'est assis devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a mis son dos tel un escabeau. Il a mis son dos tel une marche pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marche sur son dos pour pouvoir escalader ce rocher. Par la suite, l'heure de la prière est arrivée. Fatima radiallahu anha est venue pour soigner son père radiallahu anha sallallahu alayhi wa sallam. Et mais en lavant sa blessure, ça ne faisait qu'augmenter l'écoulement du sang. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris une botte de paille, une chose semblable, elle l'a brûlée. Et lorsque c'est devenu tel de la paille mâchée, elle l'a appliqué sur les blessures du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a bien pris et ça a stoppé l'écoulement de sang. Radiallahu anha. Puis l'heure de la prière est venue. Le prophète sallam a réuni les croyants et ils ont fait salat al-jama'a. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ils ont fait salat al-jama'a pendant la bataille de Uhud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tellement faible et touché, il a prié assis. Comment se fait-il que nous soyons en bonne santé et on ait du laxisme dans la préservation de la prière en groupe? Voici nos ancêtres pieux qui font la prière en groupe pendant la bataille de Uhud. Ils voient leurs proches tomber devant eux et ils font la prière en groupe dans la bataille de Uhud. Ça, c'est la place de Salat al-Jama'a dans le cœur des sahaba dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tant qu'il y a un souffle dans le corps, tant qu'il y a l'âme dans le corps, ils font salat al-jama'a. Ça, c'est une leçon pour nous. Ça, c'est une leçon pour nous. Savoir qui sont les hommes. Savoir qui sont les hommes. Tu reconnais l'homme selon sa salat. Selon sa salat. Chez eux, même celui qui avait une excuse venait à la salat al-jama'a. Certains étaient aveugles et ils participaient à salat al-jama'a. Et comme on a vu ici, certains étaient boitaient, na'am, certains boitaient et ils sont venus à Ghazwat Uhud. Et la bataille s'est arrêtée ainsi. La bataille s'est finie ainsi. Les associateurs ont rebroussé chemin et ils ont pris la direction de Mecca. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Ali ibn Abi Talib afin de regarder leur position. S'ils se dirigent vers telle direction, ça veut dire qu'ils rentrent à Mecca. S'ils se dirigent vers telle direction, ça veut dire qu'ils veulent repartir à Médine pour nous toucher dans notre mal. Lorsqu'ils se sont assurés qu'ils rentraient bien à Mecca, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé des défunts. S'est occupé des défunts. Et ce jour-là, 70 parmi les croyants, 70 parmi les croyants sont décédés. Et parmi les 70, 4 parmi les muhajirs. Tous les autres minal ansar. 4 parmi les muhajirs, tous les autres minal ansar. Parmi les muhajirs, Hamza ibn Abd al-Muttalib, Amr Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, Sayyiduhum, wa Afdaluhum, wa Durwatuhum. Il y a eu Mus'ab ibn Umayr. Il y a eu Hamza. Il y a eu Mus'ab ibn Umayr. Il y a eu Uthman ibn Uthman, qu'on surnomme Shammas, parce qu'il était très beau. On surnomme Shammas parce qu'il était très beau. Et le quatrième, Abdullah ibn Jahsh. Abdullah ibn Jahsh. Tous les autres font partie des Ansar. C'est pour cela que certains parmi les Ansar se vantaient et disaient: je ne connais pas une communauté qui aura plus de martyrs chez Allah Azzawajal que les Ansar. Près de 70 à la bataille de Uhud, à la bataille de Yamama, ou plutôt la contre Musaylim al-Kazzab, j'ai oublié le nom, environ 70, et une autre encore, environ 70, radiallahu anhum. Et on a cité l'histoire de Amr ibn Jamuh, qui avait cet handicap, qui boitait. Et ses enfants ont tout fait pour ne pas le laisser aller à la bataille. Mais il a insisté, il a insisté, jusqu'à ce qu'ils sont partis voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, vu qu'il ne veut pas vous écouter, laissez. Lui et ses quatre enfants sont décédés à la bataille de Uhud, radiallahu anhum. Et c'est lui qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, vois-tu ma jambe boiteuse, si j'entre au paradis, est-ce que je pourrais poser ce pied-là au paradis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit oui. Na'am. Alors il a dit, walladhi ba'ataka bil haqq, la ata'anna biha jannata al-yawm insha'Allah. Il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, aujourd'hui, inshallah, je vais poser ce pied au paradis. Aujourd'hui, inshallah, je vais poser ce pied au paradis. Allah a voulu lui accorder ce qu'il voulait. Et on a cité également, parmi les meilleurs ce jour-là, il y a eu Sa'd ibn Rabi'a. Quant aux associateurs, 22 d'entre eux sont décédés ce jour-là. 22 d'entre eux sont décédés ce jour-là. Abu Sufyan, radiallahu anhu, avant de partir, a appelé les croyants et les têtes d'entre eux. Il a commencé à dire, Aïna Muhammad. Tout le monde s'est tué. Parce que le prophète sallam a interdit de parler. Puis il a dit, Aïna Abu Bakr, tout le monde s'est tué. Aïna Omar, tout le monde s'est tué. Puis il a dit, Amma ha'oula faqad qutilu. Quant à ceux-là, ils sont tous morts. Ici, avant de continuer, il y a la yani fil fadilatu sayyida kuhuri ahli jannah Abu Bakr wa Omar. Ici, il y a le mérite évident d'Abu Bakr et Omar, dans le fait qu'ils étaient tout le temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au point où Abu Sufyan, qui n'est pas encore musulman, appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam directement, il appelle Abu Bakr et Omar. Ici, il a la place d'Abu Bakr et Omar parmi l'ensemble de Sahaba. Puis Omar n'a pas pu patienter et il lui a dit, Kalabt, tu mens, bien détrompe-toi, ce que tu viens de citer sont bel et bien vus. Puis il leur a dit, Yani, nous sommes quittes. Et ils ont répondu, non, vos défunts sont paradis et les vôtres sont en. Puis il a dit, Lana al-Uzza wa al-Uzza lakum. Al-Uzza, c'est une de leurs divinités, une de leurs plus grandes divinités, qu'ils ont tiré du nom d'Allah Azza wa Jalla, Al-Aziz, le puissant. Et la grandeur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et c'était un ensemble de nakhalat, c'était une palmeraie, et un arbre tout. Avec un art plus particulier où il y avait une dinia. Et auprès d'elle, ils recherchaient l'aide et la puissance. Non. Et ils entendaient des voix et les shayatins jouaient avec eux. Et après le fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait Sahaba pour détruire Al-Uzza. Et Maza, l'un parmi Sahaba, j'ai oublié, peut-être Khalid ibn Walid. Non. Khalid ibn Walid, qui, subhanallah, ce jour-là était fils de Mushriki. Hein, au final, c'est lui qui a détruit Al-Uzza. Il est parti, il a coupé les arbres en revenant. Le prophète sallam l'a dit, moi, ça n'a attaché. Il n'a rien fait. Alors, il est reparti, il a vu une dinia à se sauver. Il l'a rattrapé. Et il a dit certains vers de poésie. Na'am. Et il lui a dit, Maza taqriban. Kufranaki la subhanaki. Inni qad ra'aytu illa qad ahanaki. Il lui a dit quelques paroles dans lesquelles il montre qu'Allah Azza wa Jalla l'a humilié puis il a tué cette djinniya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr Omar, n'allez-vous pas lui répondre? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on lui répond? Il leur a dit, dites, Allah maulana wa la maulalakum. Allah est notre allié et vous n'avez pas d'allié. Au final, ils sont entrés à Mecca et les sahaba sont entrés à Al-Medina. Avant cela, ils ont enterré les morts. Mais comme ils étaient, comme a dit Ibn Kathir, ils étaient beaucoup blessés, ils étaient affaiblis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit de les réunir. Puis ils ont creusé les tombes. Mais ils n'ont pas creusé une tombe par personne. Dans une seule tombe, par moment, ils en mettaient plusieurs. Ils en mettaient un ou ils en mettaient deux. Non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait, lequel des deux connaît le plus de Coran? Regardez la valeur du Coran et du ilm. Même au décès, la valeur du Coran est apparente. Qui est-ce qui connaît le plus de Coran? Si on lui disait un tel, il disait mettez-le en premier. Il y a la meilleure position pour les ulama, pour Ahlul Coran. Alors on les enterrait, on ne les a pas lavés. Non, on ne les a pas lavés et on n'a pas prié sur eux. On les a enterrés ainsi, comme a expliqué Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala. Mus'ab ibn Umayr, et on finira sur ça, faisait partie des plus riches, ou plutôt sa famille était une des plus aisées à Mecca. Ce jour-là, quand il fallait le couvrir, ils ont dit on ne lui a trouvé qu'un seul vêtement. Il n'avait qu'un seul vêtement. Si on le couvrait jusqu'au visage, ça découvrait ses pieds. Et si on couvrait ses pieds, ça découvrait son visage. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit couvrez la partie supérieure, donc couvrez jusqu'à son visage, et mettez sur ses pieds des fougères ou l'itrir, je ne sais pas comment ce qu'on traduit. L'itrir, c'est une sorte de plante. Hakala, c'est ainsi que sont entrés par la suite les croyants. Et il y a de nombreuses leçons dans Ghazwat Uhud. Parmi les plus grandes leçons, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala met la sunnah de secourir les croyants tantôt et de les laisser en difficulté tantôt. Pour pas que ne se mélange à eux ceux qui n'en font pas partie. Si les croyants avaient toujours la réussite, les hypocrites seraient restés toujours avec les croyants. Mais comme Allah azza wa jalla les teste et les éprouve, ça purifie le rang des croyants. Parmi les sagesses de Uhud, le fait que de faire une désobéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, même minime soit, aussi minime soit-elle, peut avoir de douloureuses conséquences. Comme lorsque les archers sont descendus de la bataille, de la montagne, ou du mont, na'am, beaucoup sont décédés parmi les croyants. Et aussi le fait que les hypocrites, leur nombre n'amène rien de bon aux croyants. Et leur retrait ne diminue rien chez les croyants. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul a rebroussé chemin avec un grand nombre. Mais ça n'a pas affaibli les croyants. Au contraire, ça les a purifiés. Ça les a purifiés. Allah Azza wa Jalla a fait référence à cela dans le Coran. Et aussi le décès de Hamza ibn Abi Talib et la grande tristesse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam est triste quand il y a un décès. Donc, tu as le droit d'être triste quand il y a un décès, même de pleurer. Mais il ne faut pas te plaindre, ou il ne faut pas crier, ou se déchirer les vêtements. Non, et se plaindre du décret d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais tu peux pleurer, ou tu peux être triste, et tu dis que ce qui plaît à Allah. Wallahu a'lam, wa sallillahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et il y a aussi et surtout la grande place des Sahaba. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات